Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en cette fin janvier pour une nouvelle émission en direct, nouvelle émission dans laquelle on voilà, découvrira des petites nouvelles choses. Le nouvel EP des Esquela Grind, nouvel album du One Man Band Death, très très bien qualité, hein, oui c'est très très bien la France, Engulf. On retrouvera également Mega Colossus et voilà, quelques autres nouvelles sorties. L'occasion toujours des émissions en direct de retrouver Thibaut pour des focus. Et l'occasion également de vous rappeler qu'il y a une dizaine de jours maintenant, on a fait une petite interview fleuve des locaux de Totterfish, voilà, pour parler de leur second album studio, voilà, 4-5 mois après, où ils se situaient par rapport à cette nouvelle sortie studio. Donc voilà, l'interview en question est dispo sur toutes nos plateformes habituelles, donc en 3 clics, avec un peu de volonté, vous tombez dessus aisément. On débute l'émission de ce soir avec Split Knuckle, une jeune formation qui nous vient d'Angleterre. On est sur du hardcore bien patate, dans une veine knuckles, je dirais. Breathing Through the Wound, c'est le nom de ce second effort studio longue durée, une sortie sur Abelricain Days Record, excusez du peu au passage. En doublette avec eux, on s'écoutera Nornir, qui sort son nouvel effort Skuld. Là on est sur du black qui nous vient d'Allemagne. Ce nouvel effort est sorti en toute fin d'année dernière chez Northern Silent Production. Split Knuckle en ouverture d'émission, le titre bien nommé Fuck Your Whole Life, enchaîné à Pest de Nornir. Sur ce, bienvenue dans l'émission. We'll be right back. want to go quit. I don't know what it is to make me think it's like this. Get fucked. We'll be right back. Doublette suivante avec la première nouveauté de l'émission de ce soir, Ungulf, une excellente sortie Everlasting Spew Records. C'est du death metal, c'est du death metal un peu blacken dans l'approche, c'est très raw dans le style de death, c'est un one man band donc ça nous vient des US. Quatrième effort studio, premier véritable album, The Dying Planet Weeps. On est sur du Cosmic Death hein, dans les thématiques approchées. On s'écoutera le titre Plagued Oblivion et en doublette Lies, le groupe de hardcore qui nous vient de Hollande, qui nous sort là son premier véritable album depuis une douzaine d'années. Voilà, donc le second dans leur discographie. Et on s'écoutera le titre The Cleansing AD, extrait de l'album Mind Pollution. incident on Earth, on Twitter, and living on Earth unfold as the end of the world approaches. Voilà, donc Ungulf, pour ceux qui découvriraient, on est vraiment avec une inspiration bien digérée, bien reproduite du vieux death ricain et européen, particulièrement une approche à la pestilence avec le niveau technique et les ambiances très, très pestilence et ce chant que, enfin direct, j'ai pensé à Patrick Mameli. 20h30 à la pendule de Radio Béton, c'est donc l'heure de retrouver sa première petite intervention du jour, l'ami Thibaut, qui vient nous présenter son premier focus pour aujourd'hui. Et bonsoir à toutes et à tous. Direction les États-Unis pour une formation qui nous fait un mélange pas du tout subtil de power violence, de grindcore, teinté de death metal, tout en subtilité. Donc, le groupe Escuela Grind qui sort là un petit EP. C'est un groupe donc, qui est principalement dirigé par Katrina, donc, la chanteuse et leaduse du groupe. Ils en sont donc, là à leur troisième EP, ils ont sorti également deux albums. Les EP sont plutôt des concepts autour de leur musique. Donc on a un premier EP qui s'appelle en grosses lettres et plein de lettres doublées Power Violence. Non, c'est Power Violence. Exactement, merci pour cette interprétation de qualité. Un EP d'une longueur inestimable de 4 minutes, c'est vraiment remarquable. Non, voilà, bon, bref, ça va très très. En fait, on met plus de temps à prononcer le nom de l'EP qu'à l'écouter. Ouais, c'est presque ça. C'est, ouais. Bon, voilà. C'est pas leur album le plus court. En 2020, ils nous sortent leur tout premier album réellement, Indoctrination. Un album qui fonctionne très très bien, je l'ai beaucoup aimé. Peut-être un aspect avec une batterie qui est un petit peu trop présente, un petit peu trop martelante sur l'enregistrement, mais c'est grosso modo ce qu'on pourra lui reprocher principalement. Ça renouvelle rien, mais ça tabasse de ouf. En 2020 également, ils sortent leur EP, grosse lettre, je te laisse prononcer. Grindcore. Voilà, merci. Un album de 3 morceaux d'une durée inestimable de 2 minutes à peine. Je crois qu'on est de l'ordre de 1 minute et 40 secondes, quelque chose comme ça. C'est ça, avec les grésillements à la fin et au début. Voilà, donc on a 3 morceaux en 2 minutes. C'est parfait, c'est tout ce qu'on attend d'un album qui porterait ce nom. En 2022, ils sortent Memory Theater, un album que personnellement j'ai bien aimé. Pareil, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra dire globalement sur Escuela Grind. Ça renouvelle rien, c'est très très bien branlé, ça tabasse de ouf. Mais ça ne renouvelle rien, mais ça reste un très bon album qui s'écoute bien et qui corrige pour moi un petit peu le son de cette batterie qui était un petit peu trop agressif sur le premier album. Et donc on arrive en 2024 avec un EP qui s'appelle Death Metal. Voilà. Il est long celui-là. Hein. Un EP qui est plutôt long puisqu'il nous propose une longueur de 13 minutes, qui est remarquable pour le groupe. Donc, comme son nom l'indique, on explore des compositions bien plus death metal et bien plus massives que ce qui avait été proposé précédemment. Alors, on a toujours beaucoup d'éléments core, voire hardcore directement dedans, parce qu'on a vraiment des breaks où on a envie de tout retourner et de tout casser. On reviendra sur les lives plus tard à ce niveau-là. Ça danse vraiment super bien et c'est cradingue et c'est assez méchant hein, dans l'approche. C'est vraiment, vraiment dégoulinant. T'as vraiment envie de retourner tout le pit et de tout casser autour de toi. Et voilà, un EP qui est vraiment cool pour un groupe qui est vraiment cool. Peut-être pas leur travail que j'ai préféré parce que leurs deux albums, je les trouve plus aboutis forcément. Et surtout, l'approche power balance me parle peut-être plus, le côté power balance, grindcore, que leur dimension death metal. Mais n'empêche que ça fonctionne très bien et c'était surtout une occasion de vous parler de ce groupe qui tourne beaucoup en ce moment, énormément, parce qu'on est donc en 2023 à plus de 200 dates sur l'année. C'est assez remarquable et là ils sont sur une lancée assez monumentale aussi en ce début d'année parce que si j'ai bien regardé les dates, ils font 0 day off entre le 6 janvier et le 17 février. Voilà. Ouais, parce qu'ils enchaînent en plus les tournées euro, les tournées américaines, en headliner, en support, voilà. Ouais. D'ailleurs, la clôture de ce dernier EP, le morceau Meat Magnet, c'est un peu l'aboutissement de leur énorme année 2023, parce qu'on retrouve Barney de Napalm Death en featuring avec eux. Napalm Death les a vraiment pris sous leur aile quand ils ont fait leur tournée l'année dernière, où Escuela Grind était partout avec eux. Voilà, ce qui les a amenés pour, je dirais, leur première date française, hein, notamment du côté de Angers, qui a été l'étape de cette tournée avec Napalm. Effectivement, je pense qu'il est... très important d'aborder la dimension live de ce groupe, puisque l'album sorti en 2022, Memory Theater, c'est vraiment ce qui les a propulsés outre-Atlantique, donc à la conquête du public européen. Et nous, on a eu l'occasion de les voir l'année dernière au Muscadès. Tout à fait. Et comme tu l'as très très justement dit, on n'avait jamais vu Moshé au Muscadès, c'était assez dingue. Voilà, Escuela Grind avec son approche grindcore death, power violence, et tout à coup, en fait, ça se met à ralentir sur les séquences death, et on part sur du gros death qui moche, qui two-step, et il y a eu quelques gros flottements dans le public, genre, quelles sont vos intentions? Vos intentions sont-elles pures? Non, non, pas du tout, le but du jeu, c'est d'assassiner son voisin. Et voilà, pour la première fois, effectivement, on a eu des mouvements de moche sur le Muscadès. Et le groupe a une énergie absolument incroyable sur scène, même quand ils sont un peu diminués physiquement, de fatigue ou quoi. C'est la guitariste qui a un tout petit physique, mais qui a pareil une patate énorme. Et à côté de ça, c'est le bassiste qui est plutôt une espèce de grosse mule bodybuildée. Enfin, c'est pareil, le batteur est hyper visuel et la chanteuse doit faire, je sais pas, 10 km par concert à traverser la scène en largeur et en profondeur. Alors, c'est marrant que tu parles de traverser la scène parce qu'elle est tout juste blessée là récemment. Elle a été alors apparemment jetée dans le public et elle est obligée. Heureusement, la tournée n'est pas annulée. Elle a été. Je sais pas exactement, apparemment, la sécurité est un petit peu en défaut sur l'histoire. Mais elle a été jetée dans le public, elle s'est fait très mal au niveau du cou, elle est obligée de jouer avec une minerve ses prochains concerts. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Bah ouais. Parce que plus de peur que de mal, mais quand même, voilà, une petite chute de scène justement. Et enfin, voilà, vu le niveau de notoriété justifiée et d'efficacité qu'a réussi à atteindre Escuela Grind, on n'est pas sans maintenant avoir une petite attente d'une tournée commune avec un Year of the Knife, par exemple, parce qu'on est sur le même type de conviction, de rage et de militantisme dans leur musique et surtout de qualité de production d'albums et d'EP. Ouais, ouais, même si pour moi, c'est vraiment un groupe qu'il faut aller voir absolument en live parce que si les albums sont réussis, pour moi, le groupe prend réellement sa dimension sur la scène et il faut vraiment, vraiment aller voir ça parce que ouais, comme tu le dis, ils ont une énergie avec chacun leur sensibilité, leur position sur la scène, leur façon d'aborder la scène et le public. Mais ils apportent tous quelque chose et c'est extrêmement visuel sur scène, c'est très très cool. Et c'est très communicatif, enfin voilà, la chanteuse fait tout pour. Voilà donc petite présentation ce soir pour Escuela Grind. le morceau qu'on va s'écouter. Il y en a deux, assez ouais. gratuit. Donc tout d'abord rap Mid Magnet, du coup le titre avec Barney de Napalm. Tout à fait. Et après t'es allé chercher un morceau un peu plus ancien. Ouais, de leur premier album réellement, donc pas les EP, hein, vraiment le premier album, un espèce de morceau hyper court, ça fait une petite minute. Et c'est juste, il s'appelle Hyper Victime et c'est vraiment ultra violent pendant une minute. Et bah c'est parti, Esquela Grind. Fall. 20h40 à la pendule de Radio Béton, on retourne à la diff après ce premier focus ce soir. Et dans la diff de ce soir, on a du coup une autre nouveauté, parce que c'est vrai que le Escola Grind, en plus d'être un focus, c'était une nouveauté. Et on passe maintenant à la doublette suivante avec la présentation de Mega Colossus. Donc c'est une nouveauté qui nous vient de Caroline du Nord, c'est un groupe de heavy metal actif depuis 2005, qui s'appelait avant Colossus, qui a changé pour Mega Colossus en 2016. C'est leur quatrième album, alors c'est un groupe qui fait du heavy assez épique et ils parlent même de adventure metal. C'est du méga heavy. Complètement. Alors on n'est pas non plus sur du true heavy à la Eternal Champion ou d'Influence Manowar, c'est plus le heavy mélodique assez tubesque avec des gros Roland heavy anglais et hard rock aussi, hein, ça rappelle un petit peu les vieux Rainbow par exemple. Un chanteur qui est vraiment convaincant, une guitare lead assez brillante. Voilà, c'est assez léger, on va dire que ça permet un petit peu de respirer dans ce début d'émission brutal et avant ce qui arrive, qui globalement ça a encore beaucoup cogné. Et donc l'album s'appelle Showdown, en plus c'est une sortie Cruise del Sur Music, donc généralement c'est synonyme de qualité. On s'écoutera le morceau Fortune and Glory. Et puis après on ira en Russie retrouver un one man band qui s'appelle Malist, alors qui nous fait un black on va dire très traditionnel, hein. C'est à la fois haineux, rugueux, avec des passages plus atmosphériques et mélodiques. C'est classique, mais c'est très très bien fait. L'album s'appelle Of Scorched Earth, une sortie avant-garde musique. Et on s'écoutera le morceau The Ship. Voilà, de la belle présentation tout ça, et maintenant de la belle musique. C'est parti. We'll be right back.

La doublette suivante nous fait déjà entrer dans l'aspect française, et d'ailleurs en clôture de l'aspect française de ce soir. On vous parlera des petites dates à venir en Touraine dans les semaines futures. Ouverture de l'aspect française avec la doublette Cryptic Process et Dunwich Ritual. Cryptic Process, tout d'abord, un duo qui nous vient du nord de la France. Un duo de groupes qui se renifle le cul depuis de bien nombreuses années, puisqu'on retrouve un ex de Unsu sur les parties vocales, et un membre de Trepanned sur tout le reste de la partie musicale de Cryptic Process. On est sur du Death Grindcore, tout ce qu'il y a de plus brutal. Ça nous vient donc de Valenciennes, l'album s'intitule Human Snack, la pochette est très froide et très chouette, il faut le dire également. Voilà, on s'écoutera le morceau Awakening Before This. C'est sorti sur le label du Nord Journeying in Chaos Records, tenu par le chanteur notamment des sessions franco-européennes de Vile, qui même d'ailleurs est allé jusqu'aux US pour chanter avec eux. Il s'agit donc de Florent, qui passe également par Relic of Humanity, etc. Et qui organise le Brutal Swamp Festival, ancien Dreamer Fest, du côté de Saint-Omer, dans le nord de la France, histoire de vous permettre de situer un peu toute la dynamique autour de cette région. Et ensuite, on a Dunwich Ritual. Bah, c'est un groupe qu'on a diffusé pour la première fois la semaine dernière, qui nous vient d'Île-de-France, c'est tout récent, hein, c'est formé en 2022. Là, ils ont sorti un premier album au tout début de l'année. C'est du speed, alors c'est épique, cosmic speed, ça dépend. Très Lovecraftien dans les thématiques. C'est mené par une femme. Alors c'est bien rétro, avec des petits claviers par-ci par-là. Ça sonne vraiment années 80. Musicalement, c'est déjà très efficace. Après, vocalement, je pense qu'il y a une bonne marge de progression, mais c'est ça qui est intéressant. Ça reste quand même intéressant. Et puis, voilà, ça fait plaisir d'avoir encore des groupes de heavy avec une femme au chant. Ça, c'est pas sans rappeler un Meurtrière. En un peu plus speed quand même. Et du coup, leur album s'appelle The Verde Tape Sessions, et on s'écoutera le morceau Paléogéan Megalopolis. Et Dunwich Ritual, on les verra pas très loin de Tours, hein, dans le cadre du Anthem of Steel, qui aura lieu au début du mois de mai du côté de Poitiers. Cryptic Process, Dunwich Ritual, c'est parti.